commerce est une des rares choses ici-bas qui respire la santé. Même celui du fumeur fait un tabac à grands coups de publicité. Marchons de tout, arrêtez les enchères, oubliez-nous, remballez vos affaires. Téléphone chez vous pour vous demander, allô, voulez-vous changer? En placoïde, rien de tel pour demander votre cuisine aménagée. Marchand de tout, arrêtez les enchères, oubliez-nous, emballez vos affaires. Arrivant, forçant votre domicile, prenant les airs de sauveur. Ils sont chez eux, chez vous, cent fois plus habiles que d'honnêtes cambrioleurs. Marchons de tout, arrêtez les enchères, oubliez-nous, emballez vos affaires. Voit des spots au milieu d'éléphants man pour les produits de beauté. La couche culotte surpasse la fusée Ariane pour sa haute sécurité. Marchons de tout, arrêtez les enchères, oubliez-nous, emballez vos affaires. Aux pigeons d'horribles gadgets en guise de super cadeau, et aux purées calcitrant un tête à tête avec la troupe du lido. Marchons de tout, arrêtez les enchères, oubliez-nous, remballez vos affaires. Tous viendront vous relancer. Vous v'là inscrit au fichier de ces vampires comme bosse facile à sucer. Marchons de tout, arrêtez les enchères, oubliez-nous, remballez-vous.